Galaxy, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, nous recevons aujourd'hui Antoine Nivière, professeur à l'Université de Nancy, pour une émission dédiée au métropolite Eulogie, une des plus grandes figures de l'Église orthodoxe en France, qui dirigea l'archevêché des paroisses orthodoxes russes d'Europe occidentale depuis sa création jusqu'en 1946, année de sa mort. Antoine Nivière, vous avez organisé au mois d'octobre dernier une exposition à l'Institut Saint-Serge sur le métropolite Eulogie, après avoir mené des recherches sur son travail en France, et en particulier à la tête de l'archevêché de la rue d'Aru. Quels sont les traits les plus marquants de cette grande figure de l'Église orthodoxe au XXe siècle? Effectivement, Mgr Eulogie était une grande figure, un grand évêque de l'Église russe, un évêque qui, dont la vie se divise, on peut dire, en deux parties, une partie en Russie avant la Révolution et une partie dans l'exil après la Révolution et la guerre civile. Mgr Eulogie était né en 1868 dans un petit village, une campagne de la province de Toula, au sud de Moscou, vraiment le cœur de la Russie profonde, on pourrait dire. Il appartenait à une famille très simple, son père était prêtre de campagne. L'influence de ses parents a été très forte sur sa formation. L'influence de son père, prêtre, l'attirance pour le service de l'autel qui très tôt apparaît chez le jeune enfant, et puis l'influence aussi de sa mère qui le prenait avec elle dans les pèlerinages qu'elle effectuait dans les monastères, notamment à ce grand centre spirituel qu'était le monastère d'Optino, où il y avait des starci, des pères spirituels, dont en particulier le moine Ambroise, qui exerçait un rôle très important à cette époque sur le peuple russe, mais aussi sur de grands intellectuels, des écrivains qui venaient le voir. Et c'est là que le jeune enfant a été remarqué par Ambroise et est devenu son fils spirituel. Le jeune homme a ensuite suivi le parcours traditionnel des enfants du clergé dans la Russie du XIXe siècle, le petit séminaire, le grand séminaire, l'académie de théologie à Moscou, et après avoir passé ses diplômes, s'est ouvert à lui une carrière assez brillante et rapide dans le système pédagogique ecclésial, qui va le mener à la tête du séminaire de Holm. Holm, une petite province dans le sud de la Pologne qui était à l'époque sous domination russe. Et c'est à Holm qu'il va être nommé en 1902 évêque auxiliaire dans un premier temps, puis ensuite il va devenir évêque diocésain, donc à la tête du diocèse de Holm, créé spécialement pour lui et grâce à son action. À partir de ce moment, le jeune évêque va avoir un rôle relativement important dans la vie publique de la Russie, de sa province, de son diocèse. Il va même être élu député à la Douma et siégera pendant plusieurs années sur les bancs du Parlement russe. C'était un politiquement quelqu'un de conservateur. Il soutient l'action réformiste du Premier ministre Stolypine, donc il appartient à la droite modérée, et bon, il va être assez actif sur un certain nombre de dossiers, notamment questions agraires, confessionnelles, enfin, qui touchent à la vie du peuple de la région de Holm. Ce séjour à Saint-Pétersbourg, à la Douma, le conduit aussi à participer aux travaux à la tête de l'Église. Il est de l'Église russe, il est membre du Saint-Synode pendant plusieurs années et va même être un moment, en 1914, transféré à un diocèse très important de l'Église russe, le diocèse de Voligny, en Ukraine occidentale. C'est là que survient la Révolution. Au moment de la Révolution, Mgr Eulogie est à Moscou, il participe au concile de l'Église russe réunie en 1917, qui va non seulement élire un patriarche à la tête de l'Église russe libérée du carcan du régime tsariste, mais aussi engager un profond travail de réforme, ou plus exactement de préparation de réforme. Et là, Mgr Hologe est aussi à la tête de cette action, enfin, parmi les nombreux évêques et théologiens qui participent à ce travail de préparation des réformes, notamment dans le domaine de la liturgie. Il a vécu donc en Russie et connu des moments très difficiles en Russie, des moments cruciaux pour l'histoire de l'Église russe. Et puis nous savons qu'il a joué un rôle très important en France. Alors comment tout ceci s'est-il passé? Comment est-il arrivé en France? Et comment ça se fait qu'il se trouve à la tête des orthodoxes de France? Alors effectivement, cette première partie de la vie de Mgr Hologe en Russie avant la Révolution correspond à la période la plus longue dans son existence, 50 années. Au moment des événements révolutionnaires, après le Concile, Mgr Hologe se retrouve en Ukraine, là où est son diocèse. Il va être arrêté au moment des tentatives indépendantistes de l'Ukraine par l'un des gouvernements radicaux séparatistes à Kiev. Il sera emprisonné pendant plusieurs mois en détention en Ukraine occidentale, puis en Pologne, dans la région de Cracovie. Et cette expérience de la détention a joué un rôle très important, il le reconnaîtra par la suite, un rôle très important dans son évolution spirituelle. Il a, à ce moment-là, il est revenu sur son passé, il a analysé toute son action précédente, il l'écrira, reconnu que l'engagement dans la politique était probablement si ce n'est une erreur, en tous les cas un piège qu'il fallait éviter à tout prix, et il prendra mieux compte de la dimension universelle de l'Église. Il sort des frontières, du carcan, disons, d'une certaine russité pour aller vers une vision plus haute, plus universelle de l'Église, une vision qu'il va mettre à profit durant la deuxième partie de sa vie, qui correspond, vous l'avez dit, à la période passée dans l'émigration en Occident, notamment en France. Donc, libéré en juillet 1919, Mgr Hologe cherche à rejoindre son diocèse. Il n'y parvient pas. Bon, le sud de la Russie est aux mains des Blancs, des Rouges, c'est la guerre civile. Et finalement, il repart à l'étranger via la Serbie. Et c'est là qu'il va apprendre en 1921 qu'il a été nommé à la tête des paroisses russes se trouvant en Europe occidentale. De manière assez étonnante, Mgr Hologe sera nommé trois fois à la tête de ces paroisses. La première nomination date de 1920. Elle est faite par une haute administration ecclésiale qui s'était constituée sur les territoires aux mains des Blancs, aux mains des armées blanches. Elle sera ensuite confirmée l'année suivante quand cette haute administration, elle-même conduite à l'exil après la dislocation des armées blanches, se trouvera à Constantinople, puis en Serbie. Et là, il y a un événement providentiel. Mgr Hologe, ou plus exactement le clergé de certaines de ces églises russes en Europe occidentale, cherche à avoir confirmation de cette nomination auprès de l'autorité ecclésiale supérieure à Moscou. Et cette confirmation viendra en avril 1921 avec un décret du patriarche de Moscou, le patriarche Tikhon, qui nomme à son tour Mgr Hologe à la tête de l'ensemble des paroisses russes en Europe occidentale. Alors c'est un acte très important dans la mesure où il conforte Mgr Hologe dans sa position, notamment vis-à-vis d'autres institutions qui ne pouvaient pas se prévaloir d'une telle légitimité remontant à l'autorité du patriarche. Donc commence la deuxième partie de la vie de Mgr Hologe, qui va de 1920 à 1921 jusqu'à sa mort en 1946 à l'âge de 78 ans. Donc une période de 25 ans à peu près, extrêmement riche, puisque il va littéralement créer de toutes pièces un diocèse, des structures paroissiales. Quand il a été nommé en 1921, il existait très peu de paroisses russes, quelques églises russes en Europe occidentale. Certaines avaient été fermées durant la Première Guerre mondiale, elles étaient sans clergé, etc. Il va reprendre tout cela en main et constituer de toutes pièces une structure diocésaine en s'installant d'abord à Berlin en 1921 et puis finalement au début de l'année 1923 en transférant son siège épiscopal à Paris et en s'installant auprès de l'église Saint-Alexandre Nevski, rue d'Aru à Paris, où il passera tout le reste de sa vie, et c'est là qu'il mourra le 8 août 1946. Pourquoi Paris? Est-ce qu'on sait pourquoi il a quitté Berlin pour venir à Paris? Il a suivi tout simplement le mouvement des émigrés russes. Vous savez, bon, l'émigration russe est partie depuis le sud de la Russie, depuis l'Ukraine, la Crimée, via Constantinople, avec les armées blanches en défaite. Et puis de là, les émigrés sont remontés par les Balkans, d'abord dans les pays hospitaliers, slaves, Serbie, Bulgarie, mais les conditions de vie étaient extrêmement difficiles, très très dures. Ensuite, ils sont repartis vers d'abord l'Allemagne, et puis quand celle-ci s'est trouvée assez rapidement touchée par la crise économique, la plus grande majorité de cette émigration russe a cherché refuge en France, où les conditions d'accueil était meilleur. Donc, Monseigneur Hologe a tout simplement, en bon pasteur, suivi, voire même précédé ses fidèles. Donc là, depuis Paris, il va superviser un immense travail de création de paroisses, car très rapidement, les quelques églises qui existaient en France ou en Europe occidentale, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, avant la Révolution russe, se révèlent insuffisantes pour accueillir cette masse de réfugiés. Donc, de nouvelles églises, de petites paroisses, des petites chapelles, de fortune le plus souvent, vont apparaître aux quatre coins de l'Europe occidentale. Une grande partie en France, mais aussi dans à peu près tous les pays, depuis la Suède jusqu'au Maroc même. Bien sûr, Monseigneur Hologe n'a pas directement lui-même construit chacune de ces paroisses, mais il a supervisé tout ce travail, encourager, aider, chercher les prêtres pour répondre aux besoins de ses fidèles. Là intervient un moment crucial dans l'activité de Monseigneur Hologe, le besoin de donner à ces communautés qui se formaient un clergé. Et très tôt, il a eu le désir de créer une école de théologie afin de former les prêtres dont l'émigration russe avait besoin et afin également de sauvegarder la pensée théologique et la pensée chrétienne russe qui, en Union soviétique, était persécutée, mais dans l'émigration, il y avait un certain nombre d'intellectuels chrétiens, philosophes, historiens de l'Église, théologiens, et qui vont trouver dans cette école que veut fonder Monseigneur Hologe un havre de paix pour pouvoir continuer leurs travaux. Et c'est non sans difficulté que Monseigneur Hologe va réussir à impulser le mouvement permettant en 1924-1925 la création de l'Institut Saint-Serge, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Qui continue à vivre et dans lequel nous allons faire un voyage maintenant, dans son église plutôt, en écoutant un extrait de l'Office à la mémoire de la Mère de Dieu, donc c'est la fête de la Dormition, et c'est la chorale Saint-Serge sous la direction de Nicolas Ossorguine. Or voici donc à Paris en 1925. Nous étions à Saint-Serge. Vous avez parlé de son travail pour organiser ce nouveau diocèse immense et avec des moyens du bord parfois très, très faibles. Nous savons aussi que cette époque est très difficile pour une question très délicate qui fait mal, évidemment, qui fait toujours mal, qui est celle des différentes juridictions, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire du fait que Monseigneur Eloge a dû, à un moment donné, quitter le patriarcat de Moscou. Et si vous voulez bien nous expliquer les raisons qui l'ont conduit à cette démarche et comment tout ceci s'est passé à cette époque-là. Oui, Monseigneur Eloge, je le disais tout à l'heure, paradoxalement, a été nommé 3 fois à la tête de ses paroisses russes en Europe occidentale. De la même façon, cas unique peut-être en son genre, il a été mis 2 fois en interdit. Tout ça à cause de problèmes surgis à partir des années, oui, du milieu des années 1920, avec d'autres évêques en russe en exil, ceux qui se sont regroupés en Serbie, bénéficiant de l'hospitalité du patriarcat serbe, et qui ont monté un synode des évêques hors frontières qui tend à contester à Monseigneur Eloge le bien fondé de son autorité sur les paroisses émigrées en Europe occidentale. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Monseigneur Eloge tenait cette autorité canonique de la nomination qu'il avait reçue par le patriarche Tikhon. Mais on sait que les communications entre Moscou et l'étranger à cette époque sont extrêmement difficiles. Le patriarche lui-même est persécuté, arrêté, il meurt en 1925. Donc c'est dans ce contexte général, disons, de chaos dans lequel est plongée l'Église russe que les évêques émigrés doivent réussir tant bien que mal à s'arranger entre eux et à trouver un moyen de s'organiser. Et Monseigneur Eloge va défendre, on va chercher à défendre l'autonomie de son diocèse qui est sans arrêt remise en question par ce groupe d'évêques qui, eux, n'ont aucun diocèse et qui se trouvent réfugiés en Serbie. En 1926, c'est la rupture, après que le synode des évêques russes réfugiés auprès du patriarcat serbe à Karlovci, dans la ville de Karlovci, décide de retirer à Monseigneur Eloge les paroisses d'Allemagne pour en faire un diocèse indépendant. Donc, c'est une première rupture à ce moment-là. Les événements en Russie vont, l'année suivante, venir à nouveau compliquer une situation déjà difficile. Le patriarche Tikhon était mort en 1925 et sa succession a été assez pénible. Les autorités soviétiques empêchaient l'élection d'un nouveau patriarche. Finalement, c'est un remplaçant du locum tenens, du trône patriarcal, qui arrive à la tête de l'Église russe, le métropolite Serge de Nijni Novgorod, qui exige du clergé russe dans l'émigration qu'il prête un serment d'allégeance aux autorités soviétiques et s'engage à ne pas faire de politique. Face à ce diktat, Monseigneur Eloge répond que ce n'est pas possible. Lui et ses fidèles ne sont pas citoyens soviétiques, donc ils n'ont aucun compte à rendre aux autorités soviétiques. La seule chose qu'il peut promettre de faire, c'est de ne pas laisser transformer, selon son expression, la chaire ecclésiale en une arène politique. Donc là, c'est un thème qu'on retrouvera dans l'opinion de Monseigneur Eloge, dans ses idées fortes, maintenir l'Église en dehors de la politique. Donc on reste sur ce statu quo jusqu'aux années 1930. En 1930, il y a une nouvelle très grande vague de persécutions déclenchées par le régime stalinien contre les croyants en Russie, ce qui suscite une très forte émotion en Europe, non seulement dans les communautés émigrées russes, mais aussi dans les autres églises. Et c'est à la demande des communautés anglicanes et protestantes de France et d'Angleterre que Mgr Hologe va participer durant l'année 1930 à des réunions de prière pour les chrétiens persécutés en Russie, ce qui est immédiatement interprété à Moscou comme une prise de position politique et ce qui entraînera une condamnation de Mgr Hologe par le métropolite Serge qui dirige à ce moment l'église en Russie. Face à une décision qu'il considère tout à fait injuste, Mgr Hologe va chercher la protection auprès du patriarche œcuménique en faisant appel au canon du concile de Chalcédoine qui reconnaissent au patriarche de Constantinople la possibilité de recevoir des appels faits par des clercs qui ont un différend avec leur église d'appartenance, et le patriarche œcuménique recevra Mgr Hologe dans sa juridiction, sous sa protection, en février 1931, en créant un exarchat provisoire pour les paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale, dirigé par Mgr Hologe avec qualité d'exarque patriarcal. Combien d'années va durer cette situation? Est-ce que ça continue jusqu'à la fin de sa vie? Alors, cette situation s'est prolongée jusqu'à la fin de la vie de Mgr Hologe, qui est néanmoins marquée par le contexte de l'après-guerre. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mgr Hologe, comme beaucoup de monde parmi les émigrés russes, à Paris notamment, s'est trouvé impressionné par les changements intervenus en Union soviétique durant la guerre et les a interprétés peut-être de manière quelque peu naïve comme une renaissance de l'Église, comme une liberté, libération donnée au patriarcat de Moscou qui effectivement se reconstitue en 1944 grâce à l'élection du métropolite Serge comme patriarche de Moscou, mais tout cela se fait avec l'accord et encadré par le gouvernement stalinien, ce qui peut-être à l'époque n'était pas aussi visible depuis Paris qu'il peut l'être pour nous avec le recul du temps. Donc c'est dans un contexte tout à fait particulier d'effervescence face à la victoire des armées soviétiques, trop facilement confondues avec les armées russes, que Mgr Hologe entreprend des démarches auprès du patriarche de Moscou pour revenir dans sa juridiction. Ces démarches seront concrétisées en début du mois de septembre 1945 par la signature à Paris d'un acte de rétablissement de la communion entre Mgr Hologe et le représentant des péchés depuis le patriarcat de Moscou, le métropolite Nicolas de Krutitsky, mais avec une condition qui est posée par Mgr Hologe, c'est que tout soit, d'un point de vue canonique, fait dans les normes, dans les règles. Et l'une de ces règles, c'était de recevoir l'accord du patriarche œcuménique. Les envoyés de Moscou assurent Mgr Hologe que tout ça est fait, il n'y a pas de problème. La réalité, très rapidement, s'avère être tout à fait différente. Et jusqu'à cet accord du patriarche œcuménique ne viendra jamais. Et jusqu'à sa mort, en août 1946, Mgr Hologe continuera à se considérer comme exarque du patriarche œcuménique. Il y a un livre paru depuis l'année dernière aux éditions Saint-Serge, donc l'Institut Saint-Serge qu'il a lui-même fondé, avec les mémoires du métropolite Hologe, que je conseille très chaleureusement parce qu'on peut voir un tout petit peu, comme il a tenu des mémoires tout le long de sa vie, on peut voir un tout petit peu tout le cheminement de cette vie donc pleine d'action ecclésiale, et on peut voir sa pensée également, ce qui est très important. Je vais donner ici un petit extrait, c'est la fin de l'épilogue. Il parle de la liberté, qui pour lui est une notion extrêmement importante dans l'Église. Il ne peut pas concevoir l'Église sans liberté. Nous devons préserver notre liberté intérieure, la liberté de l'esprit en Christ, aussi bien des atteintes politiques que des raies d'une perception trop formelle de la vérité divine. Toutefois, liberté et tolérance ne signifient pas tolérance du péché, comme le dit superbement saint Paul. Il faut se souvenir qu'il y a là une limite à ne pas franchir. Tout en faisant des concessions sur l'accessoire ou le formel, il convient de rester inflexible sur les questions de principe. Quand il est porté atteinte au cœur même de la vérité, à la conscience, aucune concession n'est possible. Je fais preuve d'indulgence dans le domaine de l'administration ecclésiale et de mes rapports avec le clergé pour les faiblesses et les chutes occasionnelles. Quand il s'agit de péchés véniels, ils n'altèrent pas les principes chrétiens de la conscience pastorale. Mais si je viens à constater que les racines mêmes sont atteintes, je me montre sévère, inflexible. J'use néanmoins de mon pouvoir avec prudence, considérant que la méthode la plus efficace est la sanction morale quand on s'efforce de faire apparaître le bien enfoui dans l'âme humaine. Or, pour cela, il faut savoir être patient, attendre que le grain germe. Mon amour de la liberté en Christ a été déterminant aussi dans mon approche du monachisme. Mon enfant chéri, ces trois vœux ascétiques sont pour moi les instruments conquis par une expérience plusieurs fois séculaire en vue de libérer l'âme de tous ses liens, de tout ce qui l'empêche d'aimer librement et sans réserve Dieu et le prochain. Et enfin, pour terminer, sans esprit de liberté, il ne peut y avoir pour l'Église de vie ecclésiale vivante ni d'action pastorale féconde. J'aimerais que mes paroles sur la liberté chrétienne pénètrent l'âme de mes enfants spirituels, qu'ils la préservent en toutes circonstances et la défendent de toute attaque. La liberté de l'esprit dans l'Église est sacrée. Voilà donc la pensée profonde d'un homme qui accorde une telle importance à la liberté. Oui, je crois qu'il est tout à fait symptomatique que Monseigneur Eloge, qui avait été député à la Douma avant la Révolution, a toujours cherché à maintenir l'Église loin du politique et à défendre son indépendance et sa liberté. Le combat le plus opiniâtre de toute ma vie a été le combat pour la liberté de l'Église, disait-il. Et dans l'émigration, paradoxalement, il a trouvé un espace de liberté très très large qui permettait à la vie ecclésiale de se développer de façon modeste, certes, car les contraintes matérielles étaient grandes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais de façon vivante et créatrice. L'Église, sous son autorité, s'est trouvée libérée du carcan administratif tel qu'il avait existé sous l'ancien régime tsariste, et libérée aussi du contrôle politique tel que voulait l'imposer le nouveau régime en Union soviétique. En dehors de la liberté ecclésiale, il ne peut pas y avoir de vie ecclésiale vivante ni de bon travail pastoral, écrit Mgr Eloge dans un autre passage de ce dernier chapitre de ses mémoires dont vous venez de lire un extrait. C'est donc l'ouvrage dont vous parliez qui s'intitule « Le chemin de ma vie, mémoire du métropolite Eloge aux presses Saint-Serge ». C'était donc hommage au métropolite Eloge avec Antoine Nivière. Notre prochaine émission, dimanche 26 novembre. Nous recevrons Bernard Fluzin sur son dernier livre, La civilisation byzantine. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Pascal Baranzelli. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris-Sedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.